Leçon 2. Activités 2 et 3. Page 96. Piste 74. Bonjour. Vous désirez ? Ma fille veut une robe. Bonjour, madame. Je voudrais une robe, s'il vous plaît. Regarde cette robe verte. Tu aimes ? Je préfère la rose. Elle est très jolie. Ah oui ? Avec ce bonnet ? C'est très à la mode. On peut l'acheter, maman ? D'accord.